des questions. On passe à la période de réponse maintenant. Est-ce que suivre ces feelings, ces intuitions, même s'ils nous semblent fous, parvient peu à peu à nous déséduquer? En tout cas, ça nous initie. Une partie des intuitions sont extrêmement dangereuses à suivre, une autre partie sont extrêmement intéressantes à suivre. Et la question, c'est comment on fait pour savoir laquelle des intuitions est bonne, laquelle est mauvaise. Traditionnellement, tu essayes. C'est plus fait. C'est bien fait, c'est mal fait. On appelle cela le discernement. Puis le discernement arrive, à un moment donné, l'humain finit par être capable de discerner entre une intuition astrale, une intuition psychologique, une intuition de manipulation, d'une intuition supramentale, une intuition de partie qui arrive au travers, à travers son éducation par l'intelligence. Et ça, c'est une saveur. C'est exactement comme apprendre à goûter du vin. Il y en a qui goûtent du vin et ils ne savent même pas si c'est du vin. Bon, la marque, etc., l'année. D'autres vont vous dire quelle année. Ils vont vous dire de quelle place sur la planète où pousser le raisin. Ils vont même vous dire s'il n'y a plus beaucoup cette année-là. Ils ne se trompent pas au goût. Alors, c'est l'expérience qui a amené ces personnes-là. Ils se sont entraînés. Instruite, pour s'entraîner. C'est la même chose pour le discernement. On doit nécessairement se risquer et à la longue, on finit par être capable de comprendre. Sauf qu'on se risque en étant à l'écoute de ce que nous sommes. On doit s'instruire pendant qu'on se risque. Il y a des exercices que je fais faire de temps en temps avec des amis, on s'amuse. Et c'est comme berlandisme, on cache, on en est plusieurs, quelqu'un cache une balle ou quelqu'un cache quelque chose. Quand c'est un 100$, c'est l'autre qui cherche en tabarouette. Mais ils ne trouvent jamais. Quand c'est pas grand-chose, c'est mieux. Là, les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'entraînent simplement à manquer son coup. Puis à la longue, elles finissent par être capables de discerner la saveur, la nuance qui existe, le pas grand-chose. Et là, à un moment donné, ils commencent à vérifier en dedans, là, elles s'inscrivent. Et puis finalement, on se retrouve avec des pourcentages qui sont de 100%. 80 à 100 %, mais pour plusieurs personnes, elles trouvent toujours qui a la chose. Et c'est donc ce que lui-même veut développer. Se déséduquer, ça fait de deux façons. On se libère, on redevient animal avant l'éducation, ou on se désinhibe, donc on reste un être, mais on n'est plus un humain, on devient un être humain, on devient un être tout court, au-delà de l'éducation, parce qu'on comprend les principes de l'intelligence qui ont, dans l'inconscience de nos ancêtres, amené l'éducation. Alors, la personne qui se libère, elle devient ce qu'elle était avant l'éducation. La personne qui se désinhibe, elle devient ce que l'humain sera après l'éducation. Mais au-delà de l'éducation, il y a nécessairement la compréhension. La compréhension des conséquences, c'est l'écologie. Ça remplace la morale. Se déséduquer, ce n'est pas uniquement de suivre son intuition. Suivez votre intuition, il n'y a aucun problème. Mais vérifiez toujours avant de la suivre si c'est minimum F intelligent, F écologique. Et si c'est oui, suivez votre intuition, vous ne vous ferez à peu près jamais avoir. Oh, de temps en temps, peut-être. Mais c'est évident que c'est toujours une question d'ego. Parce que l'analyse, le légiférateur peut être problématisé. On parlait d'une personne qui décide de se promener tout nu dans le métro. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est écologique? Ah ben oui, je ne sais pas pourquoi ça ne l'est pas. Tu vas le voir vite. La question, c'est pas, je ne sais pas pourquoi ça ne l'est pas. Est-ce intelligent? On pose la question. Vous êtes sous le bord d'un lac tout seul, vous baignez avec un maillot de bain, peut-être que ce n'est pas brillant. Je connais du monde, j'ai déjà vu une personne, elle ne sait pas. J'ai déjà vu une personne se baigner en maillot de bain. Quand elle est sortie, elle a ôté son maillot de bain, elle l'a fait sécher. Elle s'est fait sécher tout nu au soleil. Alors pourquoi elle s'est baignée avec un maillot de bain? Peut-être que son maillot de sale, ça fait mal. Peut-être qu'il y a des mouches dans l'eau. Il m'y vivait, ça. On ne voulait pas salir l'eau. L'eau était peut-être trop froide. En tout cas, se déséduquer, ça se fait simplement en néotypant les choses, c'est-à-dire en acceptant de nouvelles formes. De nouvelles façons de voir les choses. Et puis, pour suivre son intuition, il n'y a aucun problème. Là, c'est écologique, c'est intelligent, vous allez voir que c'est facile. Mais une chose certaine, c'est que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, puis qu'à l'intérieur de vous, ça vous empêche de le faire, c'est l'éducation qui est là dans sa plus grande force. Là, on a intérêt à étudier ça. Parce que pour un moment donné, un jour, vous allez vivre au-delà de ces limitations-là. Vous allez être désinhibé. Pas libérer, les libérations, ça implique nécessairement le fait du comportement. Il y a un mois, j'ai décidé dans ma tête de choisir, en fait, la vasseur, bien que je n'en ai pas parlé. Les choses se sont améliorées immédiatement. Un travail m'a été offert, l'argent en prime. Je disais, c'est ça ou la mort. J'ai attendu de ne plus avoir le choix. Comment, juste une décision dont je n'ai parlé à personne, c'est le faire converger les énergies vers moi. Bon, premièrement, vous n'avez pas pris de décision et vous n'avez pas fait converger d'énergie vers vous. Vous avez été traîné dans la vie jusqu'à l'emplacement où se trouvaient les énergies. Très souvent, moi, ce que je fais, j'attends après l'ascenseur, puis là, je me dis, bon, j'attends. Je prends l'escalier ou j'attends l'ascenseur? Je vais prendre l'escalier. Ah non, j'attends l'ascenseur. Après, je me dis, ah, je vais prendre l'escalier. Ah, mais là, si je m'en vais, va arriver. Je m'attends l'ascenseur. J'attends l'ascenseur. Puis là, c'est finalement, s'il va, va arriver. S'il va, c'est pas. L'humain bouge souvent, décide de bouger, quand le temps énergétique est là. Et la majorité des personnes qui abandonnent quelque chose qu'elles faisaient, l'abandonnent presque toujours, car c'est pour fonctionner. Mais ils sont là, tant que ça ne fonctionne pas. Il y a deux choses. Dans l'ère ancienne, l'une des lois fait simplement, va vous contrôler, vous obliger. Vous ne réussirez rien tant que ce ne sera pas le temps. Dans l'ère nouvelle, ça devient différent. Les choses vont commencer à se placer automatiquement que nous, on va décider d'agir. Mais ce n'est pas une décision émotive ou spirituelle. Ah ben tiens, oui, ah ben je veux être riche. Tu vas faire quoi pour moi? Ce n'est pas une question de je veux être riche, je ne sais pas ce que tu dis. Quand l'humain s'enligne dans son attitude pour qu'elle vers quelque chose de différent, quand on parle de l'être nouveau, quand l'humain réellement est enligné vers quelque chose, le baromètre. Toute la structure de la vie commence à changer, ce sont des baromètres. J'ai fait des conférences là-dessus déjà, sur le baromètre de l'évolution. Ça va mal, fouillez chez vous, vous allez mal. Ah ben non, je suis heureux quand même. Non, l'intelligence qui descend chez vous ne sert à rien. Vous la bafouez, vous vous respectez pas. Quand la personne commence à changer des choses chez elle, automatiquement, elle augmente son potentiel d'énergie. Augmentant son potentiel d'énergie, elle augmente nécessairement sa masse énergétique. Augmentant sa masse énergétique, elle augmente la gravité de ce qu'elle crée, l'attraction. Elle courbe un peu plus l'espace-temps autour d'elle. Et progressivement, les événements vont finir par être manipulés à servir les individus. Quand on parle de race nouvelle, la race nouvelle, c'est cela. L'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau n'a pas à travailler. Les choses se courbent nécessairement pour lui plaire. Les animaux vont venir brouter votre gazon. Même le chien du voisin va devenir herbivore. Ça n'a plus de gazon coupé. Ou l'autre, il va venir essayer sa tondeuse chez vous. Les choses se placent. L'humain n'est pas habitué à ça. À l'instant où ça commence à aller bien dans vos vies, la majorité, vous vous dites, ça va trop bien. Et on ne veut pas y croire, on a peur, on peut trop ambitionner, on se prépare déjà à ramasser les mauvais coups. La vie est faite comme ça. Dans l'ère nouvelle, la première attitude que l'humain doit changer, c'est que ça va bien, c'est correct. Ça va même pas bien. Et ça va aller bien. Parce que ce qu'il y a là, quand il trouve que ça va bien, c'est même pas ça. Ça va aller encore bien mieux que ça. L'être nouveau aura en surplus de tout ce qu'il a besoin. C'est normal. On va donner en gardiennage les choses de la Terre, au plus écologique. Donc, il y aura nécessairement beaucoup trop. C'est pas un problème. Alors, la personne, elle a appliqué des mécaniques, mais faites bien attention. Ce qui arrive souvent, c'est que l'humain choisit, fait un choix quelconque, au niveau de son mental. Et puis, la personne a dit, elle dit simplement, j'en reviens pas que ça fonctionne. Connaissez-vous la vie suffisamment pour être capable de dire que ça n'a pas d'allure, que ça fonctionne? parce qu'on applique des lois qui sont des lois de mérite, des lois d'initiation lunaire, des lois où on doit souffrir, des lois où on doit mériter notre ciel, des lois où on doit mériter notre argent. Ben nécessairement, quand ça vient tout seul, on pense qu'on est chanceux, qu'on a un don particulier. Les choses fonctionnent. Les lois de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, quand on les applique, elles fonctionnent toujours. Mais c'est pas les expliquer d'une façon théorique, c'est d'une façon spirituelle. Moi, j'applique probablement, dans ma vie, j'applique probablement 12 à 15% des lois de l'homme nouveau. Et chaque fois que j'en applique 1% de plus, c'est à peu près toutes les structures de ma vie qui changent. Alors, une fois que j'applique 1% de plus, c'est toutes les structures de ma santé qui vont changer. 1% de plus, subitement, toutes les structures matérielles qui changent. 1% de plus, c'est toutes mes structures de relations humaines qui vont changer. 1% de plus, partout où je voyage, ça vaut. 12%. 12-13%. Alors, la personne, vous savez, être un être nouveau, ça veut simplement dire avoir les capacités de l'être. C'est comme on regarde un enfant pour dire, ah, tiens, ça, là, c'est un être humain. Il nourrit le pot, puis laisse-le là, il veut dire, il est pas. C'est un être humain quand même. Mais il n'est pas accompli. Il devra apprendre des choses, il devra se nourrir, son corps physique a encore beaucoup évolué. Mais c'est un être humain quand même. Vous regardez, vous êtes des petits bébés, mais vous vous dites, comment moi, un être humain, voyons là. Même pas capable de marcher. Même pas capable de savoir si ma sauce est dans ma bouffe ou pas. Tu sais, des fois, je vois qu'il y a sauce dans la bouffe. À un moment, elle vient, elle tourne un peu. Ah, c'est là. Moi, un être humain, ben voyons donc. Ben oui, absolument. Sauf qu'il reste encore des émancipations en nous. Oui. C'est 14 ans. Des questions, ça, de ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Ok, pose-tu vite. On va toutes les poser d'un coup, tu répondras après. Oui, non, oui, peut-être. Ça, la 8e question, c'est peut-être. C'est ça. J'ai 14 ans et je voudrais savoir comment je pourrais me libérer de mes phobies. Bon, c'est assez compliqué. Disons que la façon qui est la moins compliquée, c'est que la personne doit se désensibiliser. Une phobie, qu'est-ce que c'est? C'est une problématique réincarnationnelle dans la majorité des cas. L'ego a vécu des expériences assez pénibles en face de certaines mécaniques. Ça peut être des araignées, ça peut être un ascenseur, ça peut être ses parents, ça peut être des choses comme ça. Il y en a qui sont dans la phobie du travail. Moi, à l'école, je m'amusais d'insectes. Et puis, qu'est-ce que la personne doit faire? C'est qu'elle doit progressivement se désensibiliser. Ça veut dire qu'elle doit s'entraîner, donc instruire son ego. Elle doit s'entraîner à ne plus avoir peur. Alors, la meilleure chose à faire, c'est disons que j'aurais peur des araignées, je souffrirais d'arachnophobie. Eh bien, je dois regarder de temps en temps des photos d'araignées. L'enfant, mon ego s'habitue à voir les photos. Il n'aime pas plus ça, mais à un moment donné, il va finir par trouver ça. Il aura plus peur des photos. Les photos, je dis bon. Puis progressivement, à un moment donné, eh bien, je vais louer le film, Arachnophobie. Je regarde et tout. Et puis progressivement, à un moment donné, on va faire juste un tour avec à un œil au début. C'est ça. Tu regardes un œil, l'œil a moins peur. Mais je suis sérieux. Quand vous voyez quelque chose qui vous fait peur, là, regardez d'un œil, puis regardez de l'autre, vous allez voir les réactions différentes de l'ego. Ce n'est pas les mêmes hémisphères qui vont interpréter, vous n'aurez pas les mêmes réactions. Par exemple, on regarde avec effectivement l'œil qui est le moins peur. Après ça, on fait un tour à l'insectarium de Montréal. On ne les prend pas encore. Ce que je veux simplement dire, c'est que très progressivement, ça peut prendre un an et demi, 2 ans, on se désensibilise en instruisant l'ego du fait qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'après 2 ans, on n'aura plus peur des araignées, on les aimera toujours pas plus. On n'aura plus peur. Il n'y aura plus de phobie. Il n'y aura plus de dédain. Alors, les ascenseurs, c'est la même chose. On regarde les photos d'ascenseurs et ça a l'air niaiseux en maudit. C'est une photo d'ascenseur. Mais non, à l'intérieur, vous instruisez votre ego. Alors, progressivement, il va finir par avoir moins peur. Après ça, on regarde les ascenseurs, on regarde les épées et les épaisses qui prennent les ascenseurs. On ne comprend pas comment ils font. Et puis, progressivement, on commence à aimer les humains qui voyagent en ascenseur. Je connais moins joli. Et puis, progressivement, on va commencer à s'approcher des ascenseurs, puis on va finir par prendre l'ascenseur. Ça va être plus vrai, le différent de sens de parfum, de sens de l'hiver. Oui, les ascenseurs. Comme tu as peur des avions. Mais tu commences à voyager avec des compagnies qui s'écrasent pas. Ben, sérieux. Non, mais national, c'est intéressant parce qu'ils plantent la concurrence. Ils font des thérapies, oui. Non, non, eux autres, ils t'amènent, ils font des voyages dans l'autre monde. Écoute, le même prix. Ils abattent la concurrence. La concurrence est écrasée par eux autres. Comment puis-je aussi me libérer de mes pensées négatives? Mais ça, les pensées négatives, là, pensez-y. Très sérieusement, mais la parole, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des pensées particulières aussi, des pensées négatives, des pensées de tout ordre. Et puis, par exemple, ça, je pouvais avoir une mélodie, un morceau de musique dans ma tête, tu sais, ça roule tout seul. Pas capable de trouver le bouton pour l'arrêter, ça revenait sans arrêt, puis on pense tout haut, on commence à parler. Bon, effectivement, c'est un exemple, effectivement, si j'irais casser la gueule à mon frère, ça me défoulerait. Parce que la dernière fois, il m'a donné un coup de poing, j'y ai remis, mais je suis sûr que j'y en dois, tu sais, une quinzaine. Puis là, j'ai bien le goût, là, je l'ai à mourir, là, évidemment. Et puis, ben là, je commence à parler. Je l'ai à mourir, c'est même pas vrai, je l'ai pas à mourir, puis je commence à parler, puis progressivement, je finis par court-circuiter mes pensées négatives. Puis encore une fois, c'est une question. Bon, le jeune a 14 ans, il y a beaucoup d'informations qui lui manquent, évidemment, dans l'instruction. Ce qu'il doit juste comprendre présentement, c'est que s'il veut arrêter d'avoir des pensées négatives, il faut qu'il comprenne que c'est pas lui qui pense comme ça. Parce que si c'est lui qui pense comme ça, il y a rien qu'à arrêter. Bon, il veut arrêter, puis ça continue, hein, c'est ça. Il faut que l'humain comprenne ça. Le jeune, il faut qu'il comprenne ça aussi. Dès le départ, il faut faire qu'il apprenne qu'il est manipulé. Sa pensée, ça ne lui appartient pas. Mais quand il parle dans sa tête, ça c'est lui. Quand il dit maudit, je suis tanné dans. Bon, ça c'est lui, ça. Mais quand ça pense dans sa tête, c'est pas lui, ça. Donc en partant, il faut minimum qu'il commence à mettre une autre musique dans sa tête. Comment dit, il entend de la musique, puis il dit, comment ça, je peux jouer du rock, j'aime pas ça. La musique du voisin. À un moment donné, il allume son système de son, il met ses musiques à lui, puis là, ça va couvrir la musique du voisin. Là, il veut dire, il va être chez lui. Présentement, la pensée, c'est un peu ça. La pensée, là, c'est toutes les vibrations du monde astral, de toute la société au complet. Puis la société, elle est pleine de karma noir. Fait qu'il y en a de la pensée négative chez lui-même. La personne avant la campagne, elle met un peu moins. Elle met, ça bosse avec une partie d'église, une partie d'église. Bon, avant en pleine forêt, avant ailleurs, ça bouge. Le jeune doit donc savoir, premièrement, qu'il devrait mettre sa musique. Sa musique, lui, c'est quand il va commencer à parler. Il parle. Les choses qui sont positives, évidemment. Les choses qui sont correctes. Il faut qu'il parle dans sa tête. Il faut pas qu'il lutte contre les pensées négatives, il va faire son mal. C'est comme de dire, « Maudite musique, j'en veux plus du rock! » Le voisin va continuer à faire du rock, aime ça du rock. Alors la personne, elle doit commencer à mettre sa propre musique, donc elle doit mettre sa parole dans sa tête, sa parole oralement. C'est sûr que je ne peux pas répondre comme ça à la question. Bon, à travers toutes les conférences, la personne, si jeune écoute des cassettes, ou si ça vient de temps en temps, il va avoir suffisamment d'informations à un moment donné pour être capable de régir ça. C'est un problème majeur sur la planète. La majorité des humains sont mal pris avec leurs pensées. Ils veulent se coucher, ils n'arrivent pas à dormir, ça pense dans leur tête, ils veulent, etc. L'humain est manipulé par la pensée. Alors, quand on commence à parler dans sa tête, progressivement, on finit par mettre notre propre musique, puis c'est quelque chose qui là, il arrête quand même. Tu sais, en même temps, comment faire pour m'aimer? Encore là, comme ça, là, c'est trop long à répondre, évidemment. Mais la meilleure façon de s'aimer, c'est de cesser de se comparer à quelqu'un. Quand on se compare aux autres, on ne peut pas s'aimer. Rien à faire, on verra toujours quelque chose de correct et de pas correct chez quelqu'un. Si on se pense meilleur, on ne s'aime pas, on a besoin de se le prouver. Si on se pense moins bon, on ne s'aime pas plus. La personne, ce que tout le monde doit faire, c'est des questions de jeunes, hein, c'est des questions d'adultes, des questions d'humains, des questions de tout le monde, c'est simplement cesser de se comparer, c'est fini. Cesser de se comparer, puis cesser de se juger en fonction de ce que les autres vont penser de nous autres. Donc on se compare plus. Alors moi, j'ai le goût de faire des choses comme ça. Est-ce que c'est intelligent ce que je veux faire? C'est correct ce que je fais là, c'est correct, bon, je le fais. Tout le monde y pense que si, tout le monde y pense que ça. Un exemple. Moi, quand j'avais 9 ans, j'avais commencé à faire du yoga. Alors que je faisais ça, je mettais la couverte sur mon lit, je pliais en deux, je mettais ça à terre. Là, je faisais du yoga. Et quand j'entendais mes parents descendre l'escalier en sous-sol, je vous assure que la couverte rentrait sur le lit et le bonhomme avec, hein, elle était à barnouche. Hein. Parce que j'étais convaincu de tu sais, je m'aimais pas suffisamment pour être capable d'accepter qu'effectivement je travaillais en dehors des cadres traditionnels pour m'améliorer. J'étais sûr qu'on était pour me juger, tu sais. Je suis là à terre, je suis pas dans ton lit, puis là, comment ça, j'avais, bon. Mais c'est ça, je m'aimais pas. À un moment donné, ben, je m'étais arrangé un système, j'avais un bon rapport, bon. Mais, je m'aimais pas plus. J'étais moins stressé. On doit cesser de se juger. À un moment donné, ma mère m'a pincé en train de faire du yoga. Puis, c'est là. Ben, je fais des exercices. Ça pour faire du ménage à la place. Oui. Je fais du ménage. C'était parti, mais j'ai continué à faire du yoga. Mais là, je commençais à être moins nerveux. Je commençais à m'aimer suffisamment. Puis suffisamment pour pas commencer à argumenter ma mère. Parce que quand c'est obstiné, ça se t'aime pas encore. Il faut y relâcher. Puis, ça, comment s'aimer, la première chose, c'est ça, c'est de cesser de se comparer aux autres. Et de cesser d'avoir peur d'être jugé par les autres. Très facile à dire, là. On n'a pas un petit bout à faire. Mais cesser d'être jugé. Il y a plusieurs ici qui ont raison souvent. Qui ont jamais eu raison de le vivre. Pourquoi? Parce que leur raison, ça leur sert à rien d'avoir raison, ils ont assez peur de le montrer. Ils vont se faire critiquer, ils vont se faire juger par ceux qui ont tort. Mais pour s'aimer, là, c'est très, très, très simple. Puis effectivement, c'est sûr que s'il commence à s'aimer, les pensées négatives vont décoller. Parce qu'il y aura faire un petit plat chez lui. Ça aurait été extrêmement plus facile. Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Puis la majorité des individus sont totalement connus. C'est du bon monde. Ils sont mal pris. Alors, cessez d'avoir peur d'être jugé. Ça va aider énormément. C'est des exercices comme ça pour se prendre par ses parents. L'éducation, c'est quand même une guillée, c'est la belle de la pompe. Alors, monsieur Garrett. Oui, mais juste marcher lentement dans la rue, marcher relax dans le métro. Quand je prenais le métro, quand j'allais au cégep, puis je marchais sur le bord des rues, le monde se précipite au milieu. Là, je marchais relax. Puis, même là encore, tu as toujours l'impression que tu déranges tout le monde. Tu as l'impression de... Il faut apprendre à s'aimer. Sans ça, il y a plein d'affaires qui se passent en dedans. On commence à critiquer les autres, on commence à juger, on se demande si on est correct. Plein d'affaires. Puis la personne, là, quand elle va commencer à s'aimer, les phobies vont disparaître automatiquement aussi. Je pensais pas qu'elle pouvait faire ça. Mais les phobies, c'est des auto-punitions. On se limite puis on se punit. Quelqu'un qui s'aime, là, c'est un problème. Puis ça, s'aimer, ça, c'est pas une décision. Ça prend. La nouvelle race, c'est-elle un état d'esprit? C'est un esprit dans un état humain. Mais disons, oui, c'est un état d'esprit, c'est évident, c'est un état d'esprit. C'est une attitude d'esprit. C'est pourquoi, c'est pas en regardant l'âge de l'individu, son ethnie, etc. Bon, mais lui, c'est un aigle. C'est un aigle qui préserve le monde, c'est un aigle qui est capable de faire de l'art, c'est un aigle qui est capable de comprendre les religions des autres, c'est un aigle qui est capable d'accepter n'importe qui dans sa cour énergétique, quand ça va. C'est un aigle qui est capable de ne pas se s'épiler ses pieds. C'est un aigle qui est capable de donner des conseils. C'est un aigle qui est capable d'apprécier la nature. C'est un aigle qui est capable de comprendre que c'est une planète. Ben, c'est un être nouveau. C'est un aigle nouveau. Parce que moi, je suis un blanc nouveau. C'est réellement une question d'attitude. Ce n'est pas une question de rien d'autre. Alors, la personne, disons, l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, il juge toujours en fonction des formes. Il est souvent à la tête, il étudie sous les yeux, il étudie sous les yeux, il dit comment il parle, il dit comment il parle. Quand vous allez commencer à parler l'arabe, à un moment donné, là, vous allez avoir un drôle d'accent, hein? Ça veut-tu dire que vous êtes niaiseux? Moi, j'ai rencontré des personnes qui parlent anglais. Puis ces personnes-là parlaient français quand je les ai rencontrées. Si je dis qu'ils ont le cerveau là, oh, c'est-tu épais, les anglais. Mais quand je les ai entendus parler en anglais, qui parlait trop vite. Fait que là, je me suis dit, écoute, le gars, c'est pas assez épais. C'est parce que là, à le temps qu'ils comprennent, qu'ils forment ces mots, puis qu'ils les amènent là, puis c'est pas... Mais lui, il est bien, bien correct. Il va s'entraîner, lui. Alors, la nouvelle race, c'est effectivement un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec le reste. Mais quand on parle d'état d'esprit, évidemment, c'est l'état d'esprit, un état d'esprit qui est particulier. C'est nécessairement pas spirituel, c'est pas évolutif, c'est ascensionnel, c'est conscientiel. Les humains se conscientisent, comme conscientisent. Le nouvel race, c'est l'âge d'or, on fait un rapport. C'est la même chose. L'âge d'or va durer 13 800 ans. La sixième race mère va durer 13 800 ans. Et par la suite, on va se dissoudre à travers la septième race mère, parce qu'on va faire d'autres choses. Alors, l'âge d'or, c'est la même chose. Ben, ceux qui sont dans l'âge d'or, là, pensez pas que c'est trop tard. Pourquoi ne peut-on avoir l'information et les outils nécessaires quand on en a besoin? La simple raison que si vous les auriez, vous les apprendriez, les apprendre ferait en sorte que jamais vous pourriez comprendre la mécanique des choses. Vous avez un problème, je vous donne une solution, c'est pas pour appliquer la solution, c'est pour que vous compreniez comment je suis parvenu à trouver la solution. C'est ça qui est important. Exemple, 2 et 2, ça fait quoi? Ça fait 4. Ah, merci. Ben oui. Toi et toi, ça fait quoi? Ça fait 6. Merci. C'est pas ça, quoi. C'est pas même qu'on fonctionne dans la vie. Vous devez comprendre pourquoi, comment je suis parvenu à trouver 4. Comment je suis parvenu à trouver ça? Puis après ça, vous allez avoir toutes les réponses. Donc, c'est la même chose. Quand on a besoin de solutions, les solutions, on ne les a pas, parce que c'est le problème qui fait en sorte qu'on va être capable de trouver la solution, donc de comprendre la mécanique. Par la suite, les problèmes similaires, de d'autres couleurs, mais similaires, arriveront plus, on va être capable de les surmonter, parce qu'on aura compris. Et ça, c'est la conscientisation. L'évolution, c'est l'apprentissage. On va vous apprendre comment faire dans telle situation. Ça arrive une situation neuve, vous avez encore besoin d'aller voir le maître pour qu'il vous dise comment faire. Alors que si vous devenez vos seuls maîtres, à la longue, on va rester amis ensemble. Mais vous êtes vos maîtres en termes de contrôleur chez vous. C'est vous qui êtes bien avec vous-même. Vous n'êtes pas bien parce que les autres vous accréditent. Vous êtes bien parce que vous vous accréditez. Ben là, nécessairement, vous allez être capable d'aller régler vos problèmes seuls. Les solutions ne peuvent pas arriver parce que vous vous êtes mis dans un problème, dans le but, parce que vous ne compreniez pas les mécaniques. Alors, en comprenant les mécaniques, vous allez vous en sortir. Puis l'être nouveau, lui, comprend les mécaniques avant l'expérience. C'est pourquoi il vieillit. Il n'est plus un être expérientiel. Il n'y a plus de problème. Mais il y en est un maudit pour les autres. Le soir, avant de m'endormir, avant la phase d'inconscience, je vois des têtes d'entités vraiment hideuses, toujours noires. L'une apparaît, l'autre disparaît. Lâcher un gros pet, je le dis tout le temps, c'est la meilleure façon, ils ne reviennent plus après. C'est vrai, vous allez les insulter. Imaginez, on est des fantômes. On se déguise bien là, on rentre d'une pièce un peu à quelqu'un, puis lâche un gros pet, on ne peut pas insulter un peu. On s'en va en tailleur. Ça fonctionne. Croyez-moi. Même pour les humains. Ah, moi j'ai d'expérience. Même pour les humains, ça m'aide. Quand j'étais jeune, ça brossait dans ma chambre sans arrêt. Ah, des bines pour tout ça. Elles sont là dans ma tête sans aucun pouvoir. Plus elles sont laides, plus ça me fait sourire au lieu d'avoir peur. Mais c'est parfait. Par quoi ce phénomène est-il causé? D'où vient-il? Bon, une entité de dollar existe-t-elle réellement? Bon, une entité, c'est noir, c'est blanc. C'est gris, ça dépend que de nous, ça dépend de ce qu'on va en faire. Ça, les prochaines fois qu'elles vont venir, là, vous allez simplement travailler à les mettre blanches. Elles sont laides, là, puis là, vous allez placer le nez, vous allez arranger les yeux, vous allez rentrer le sang dedans. Là, lentement, là, il y a une bosse qui va sortir directement parce que ça va s'amuser l'astral. Là, ils vont essayer de rendre ça encore plus vite par en arrière. Là, vous allez simplement, à un moment donné, il y a une bosse qui sort, vous allez prendre votre petite mécanique, vous allez la couper. Là, rendez ça blanc. Je me rappelle, une fois dans le bois, quand on se promenait, c'était extrêmement noir. Tu te promènes, on appelle ça en technique PMC, ioniser un monde ou ioniser un lieu. Ioniser, ça veut dire mettre yan, yan solaire, le mettre blanc. Alors qu'il y a des mondes qui sont yin. Ça, c'est des idées yin, donc la personne, elle fouille astralement dans un monde yin. Puis maintenant, ben, elle n'a pas peur. Elle ne faut pas avoir peur non plus. Et là, tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est de commencer à mettre de l'ordre là-dedans. Bienvenue, on fait le ménage. Vous m'invitez à venir chez vous, on fait le ménage. Ils ne vous inviteront pas. Ils vont devenir blancs. Les entités ne sont jamais mauvaises ou bonnes. Elles sont colorées par son expérience. Chez nous, on a les deux. Alors, les gens qui ont peur, normalement, les rendent plus laides. Parce que dans la région où la maison est bâtie, il y a peut-être eu des choses avant, etc. Il y a des entités qui se promènent là-dedans. C'est pas dangereux. C'est achalant, des fois. Puis là, ben là, commencez à vous amuser. Là. Faites de la sculpture. La peinture, il le faut. Le temps que vous le pourrez me demander. Ai-je bien entendu mutation cellulaire génétique de son vivant? Ah, ben absolument, ça a été entendu. Ça prouve que vous avez des bonnes oreilles. Il y a une personne, voyez-vous, c'est que l'humain mute sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce qui va engendrer à un moment donné des problématiques physiques, physiologiques, ce qui va faire en sorte qu'à travers l'évolution de l'humain, les cellules se multiplient et les cellules changent génétiquement. Ce qui fait que la majorité des personnes vieillissent. Génétiquement, si on prend une cellule, puis on la cultive, puis elle se multiplie, elle ne change pas. C'est un clone parfait, éternellement. Tant qu'elle est bien nourrie, puis qu'on ôte ses excréments, qu'on la nettoie. Dans un corps complexe, c'est pas long qu'à un moment donné, il y a un processus de vieillissement qui est enclenché, la cellule perd des choses, il y a eu des changements. Ces changements-là sont à son il faut les accepter, hein? On les voit. Hein? Et en plus, il y a des mutations au niveau du code génétique à cause de l'expérience que l'humain vit. Son émotivité stresse tellement son corps physique, il y a des changements qui vont se faire. Sans compter la radiation bénigne du plan terrestre, de sa maison, de ses aliments, de tout ce qu'elle va manger, puis de tout ce qui se passe au niveau de sa psychologie. L'humain mute. La problématique, c'est qu'on devrait pouvoir avoir des enfants 30 ans en montant, alors que dans les structures historiques, l'humain avait des enfants très bas âge, donc il a à peine muté physiquement, ce qui fait que la majorité de ce qu'il a acquis cellulairement, n'est pas transmis à l'enfant parce qu'il va l'acquérir un peu plus tard. L'éducation, donc, venait renforcer, venait instruire. Alors que normalement, il y a des personnes qui sont extrêmement... Bon, juste l'exemple banal, là, évidemment, on pourrait rentrer dans les détails, ce serait très, très, très long. Ils sont en train de découvrir ça, surtout en France. Une personne qui apprend à relaxer, puis à pratiquer sa relaxation sans arrêt, et puis, à un moment donné, après 2, 3, 4, 5 ans, ou après 15 ans, elle lâche sa pratique, puis elle reste relaxée. Elle reste à l'être calme toute sa vie. Quelqu'un va dire, ah, regarde, elle a fait du yoga, c'est ça qui est calme. On n'en fait plus, mais c'est ça qui l'a rendu calme. Il y en a plein d'autres qui vont faire du yoga, qui vont être extrêmement relax. Quand ils vont essayer de faire du yoga, ils vont revenir nerveux. Il y en a une qui aura cellularisé le calme. Fait que maintenant, le corps physique est un corps qui exprimera le calme. La personne n'a plus le choix, tant mieux pour elle. Alors que les autres, ça n'avait pas été cellularisé. Parce que la personne n'était pas suffisamment vivante, consciente quand ça se passait, ou elle partait de plus loin. Donc, si elle abandonne sa technique, elle perd aussi la résultat. Effectivement, l'humain mute de son vivant. Quand nous identifions l'interférence d'une mémoire ancienne dans notre vie, comment pouvons-nous arriver à se libérer de son influence? C'est tellement banal que ça a l'air compliqué. La meilleure chose, encore une fois, c'est de ne pas lutter contre. C'est de développer ce que vous êtes. Ça fonctionne. Lutter contre, c'est compliqué. C'est compliqué, puis en plus, il y aura toujours des problèmes. On réincarne régulièrement toute notre vie, sans arrêt, des mémoires. On en ramasse dans l'astral social, dans l'astral politique, on en ramasse dans l'astral familial, dans l'astral de l'humanité, dans l'astral des nations, on en ramasse sans arrêt. Sans compter nos parents qui nous attendent d'âge en âge au niveau de ce qu'ils étaient dans le passé, ils se réincarnent chez nous, nous forçant à adopter leurs attitudes souvent, puis à développer leur pathologie. La personne, ce qu'elle a à faire, c'est d'être elle-même. Moi, je dis des manipulations, un peu comme tout à l'heure le jeune qui dit « bon, ça pense dans ma tête, etc. » Ben oui. Es-tu un être qui aime rire? Oui, bon, ben ris donc. Oui, mais là, présentement, je ris, torieux, vis. Prends ton corps et bouge. Au début, c'est pas drôle, mais prends ton corps et bouge. Même chose pour les influences. Comme on disait à un moment donné, toi, tu t'es toujours assis comme ça, puis rendu à l'âge de 30 ans, tu commences à t'asseoir comme ça, puis finalement, tu t'assois comme ton père, c'est toujours assis. Normal, tu le réincarnes. Ben là, comment tu fais pour résister à ça, pas comme ça? Change. Prends ton corps et bouge. Oui, mais maintenant, je suis bien comme ça. Oui, je le sais, t'es bien comme ça. Puis, tu as fumé à la pipe, tu n'as pas grand temps, je fume à la pipe. Puis, oui, mais j'aime ça fumer à la pipe. Je comprends. Peut-être que tu te fais ramasser. Mais c'est pas toi. Les jeunes qui disent, non, moi, je fumerai jamais. Hein? Puis, c'est les plus grands fumeurs, après, à un moment donné. Hein? La personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être elle-même. Pour n'importe quoi. Cessez de résister. Vous êtes au travail, vous allez, le monde, ils ont toute la mine à terre. T'sais, ils nettoient le plancher, ils ont la mop à terre. Puis, Puis là, vous, ben vous dites, moi, mais moi, je me laisse. Je le répète. soyez totalement vous autres, puis progressivement, les autres vont devenir comme vous autres. Ils vont y gagner. Vous allez gagner, aller chercher ce qu'ils ont de bon, puis ils vont gagner à aller chercher ce qu'ils avaient de bon. La personne, elle n'a pas besoin de se faire manipuler par son entourage. Elle n'a qu'à s'arranger pour se supporter elle-même. Pendant combien de milliers d'années encore les gens vont-ils se laisser manipuler quand il pleut dehors? C'est le mauvais temps. Si le soleil ne pointe à l'horizon, qu'il pointe au moins dans vos cœurs. Ça, c'est un chef de camp de vacances qui me dit ça. Je viens de lire la dernière valse du tyran, écrite par Ramdas par Channeling. On nous incite à refuser la carte débit lorsqu'on voudra nous l'imposer, mais alors nous ne pourrons ni acheter ni vendre pendant 2 ans. Pauvre Ramdas. Que voyez-vous à ce sujet pour le Québec et pour les gens en transition? Il n'y a aucun problème. On n'en a rien à foutre de la carte débit ou pas la carte débit. Allez-vous rester sur la planète toute votre vie? Ouais. Non, pas comme ça faut dire. Mais en tout cas, bref. Ramdas, il s'occupe de ceux qui vont vivre un apocalypse. Ramdas, il s'occupe de ceux qui vont rester sur la planète. Ramdas, il s'occupe de ceux qui vivent de l'initiation lunaire. Tu mérites. La carte débit, moi, à un moment donné, là, si j'ai plus d'argent, puis j'ai plus rien, puis j'ai une carte débit, eh bien, elle est débitée. Le gouvernement va tout savoir ce que j'achète. Puis après, qu'est-ce que j'ai à cacher? Je me suis acheté une auto, je me suis acheté une maison, je me suis acheté un carnet de crème glacée, j'ai loué 3 films. Puis après, j'ai été chez le tailleur, puis j'ai payé mes impôts, puis bon, puis après, c'est qui c'est? Ah bon? Ça change quoi? Est-ce que c'est ça, votre vie? Votre vie limitée, là? Refusons la carte débit. Refusons. J'ai pensé à des communistes. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, c'est vos empreintes digitales. Vous allez quelque part, là, nick, 55$, voilà. Savez-vous ce que ça va faire? Ça va rendre l'humanité beaucoup plus riche. C'est ça que ça va faire, la carte débit. Mais évidemment, on ne comprend pas l'idée. Pourquoi? Parce qu'on... Prenez ceci. Un tyran à la tête d'une nation, c'est une bonne chose. Mais ça dépend du tyran. Okay? Mais au départ, on dit non. Si les individus, les cartes de crédit actuellement, combien d'individus sont endettés ici dans la salle? On ne veut pas la main, là? Moi, c'est trop d'air. Mais combien de galettes sont très endettés? La carte débit interdit totalement ça maintenant. Oh, c'est plus juste! Oh, pourquoi c'est plus juste? On va avoir des sociétés qui vont être extrêmement équilibrées, ça va être plus juste. Puis imaginons autre chose, il y a tellement d'affaires, ce qu'on peut faire avec une carte de débit. Mais ça, si on est correct, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Moi, je m'étais acheté ça, je cherche des pantalons, je cherche aussi. Le gouvernement va dire, hey, ce gars-là, là, il achète trop de choses. Ben oui, il achète trop de choses. Il va vivre de la société, c'est tout. Puis surtout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui resteront pas, ils ne vivront pas cette étape-là. Ils ne sont pas là pour la vie. On les vit ailleurs. Et que tracassez-vous donc pas des problèmes des autres. Dans d'autres temps. Ramdas, il s'occupe de ça. C'est correct, c'est intéressant, c'est bien. C'est bien. Si un jour on vous fournit la carte débit, là, acceptez-la. Débit soit-il. Et puis un jour, on va vous accepter, on va vous donner, bon, vous marquer, on va, hein, c'est les empreintes digitales, ces choses-là. C'est quoi le problème? Intelligence sont la planète. Comment? Soyons intelligents. Ils vont finir par attraper le virus. Ils vont devenir intelligents. C'est une société intelligente. C'est quoi le problème de la carte débit? Il n'y a pas de problème. La personne qui apprendra qu'elle a le cancer du foie, pourra-t-elle vous serrer la main pour être guérie? Bon. Voyez-vous? Pas de suite. Il y a tellement de processus à l'intérieur de l'humain. Quand l'humain va être parfaitement prêt à serrer la main de n'importe qui pour être guéri, Je dis souvent que la médecine accepte les maladies psychosomatiques, puis elle est totalement contre les guérisons psychosomatiques. Ça se peut voir. Pendant longtemps, elle était contre les maladies psychosomatiques aussi. Là, on se rapproche. Mais moi, je suis un bonhomme bien bizarre. J'aime suffisamment pour laisser quelqu'un dans son problème. C'est plus utile pour lui qu'il soit dans son problème pour apprendre des choses que s'il s'en sort. Autrement dit, je suis souvent une très mauvaise solution. J'arrive toujours après. Je confirme. Je donne suffisamment d'informations puis d'instructions pour que les individus puissent fabriquer leurs choses. Vous avez une raison intelligente d'être en santé, vous allez être en santé. Vous avez une raison émotive d'être en santé, vous allez devoir travailler longtemps. C'est tout un paquet de processus. Mais c'est évident que le processus du miracle, ça existe. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais encore une fois, il faut serrer la main au bon miracle. Oh, je ne rends pas personne malade. Je ne suis pas rendu malade. Ça vient bien, là. Ma chemise me faisait juste dépasser. Ah ben c'est ça. J'avais pas de cheveux blancs. T'aurais pas dû apprêter avec un cliché. T'aurais pas tiré. Parmi tous les courants de pensée actuels, comment savoir que c'est vous qui êtes le vrai? Vous ne pourrez jamais le savoir. Non. Sauf quand vous allez commencer à travailler chez vous. Ce que je dis qui fait du sens, prenez-le. Puis ce que l'autre dit qui fait du sens, prenez-le. C'est vous qui êtes le courant qu'il vous faut, pas moi. Si vous voulez vous associer à un courant particulier, de toute façon, vous vous trompez. Parce que l'être humain devra devenir son seul maître. On pourra être amis, on pourra être complices, on pourra jaser ensemble, on pourra prendre de l'information, on pourra s'échanger de l'information. Mais c'est vous qui devez juger, pas moi. Comment voulez-vous? Si vous ne savez pas si je suis le bon ou pas le bon, demandez-moi pas si je suis le bon. Si je dis oui, vous allez me croire. Mais vous savez pas plus. Si je dis non, vous allez me croire. Donc, je suis le bon si je dis non. Théoriquement. Tu sais, les gens de question, c'est un menteur, dit non. Es-tu un menteur? Bien compliqué à répondre. C'est vous qui devez savoir. Ça fait du sens, on le prend n'importe où. Le courant, là, il est très, très grand. Je suis un orateur. C'est intéressant. Par rapport à vous, vous êtes beaucoup plus intéressant que moi. Puis c'est vous qui allez décider. On ramasse ou on ramasse partout. Le gars, il vend des bons légumes, mais il y a des cossins que j'aime pas. Il m'a l'air acheté ces légumes. Tu sais, le café que je bois, moi j'en bois pas, mais il est pas bon son café. Je l'achète ailleurs, je prends les légumes là. Puis la vie est belle. Quel est votre rôle dans l'apparition de la nouvelle ère? On le sait déjà pas. On s'inclut toujours tout le monde. Ah, c'est ça, là. Je vais franciser. Quelle différence faites-vous entre Marie et Madeleine? Ben, c'est deux personnes totalement différentes. À l'époque, il y avait plusieurs Marie, il y a plusieurs Madeleine, puis Marie-Madeleine avec Exune aussi, puis dans la Bible, on a une Marie-Madeleine, on a une Marie et une Madeleine. C'est tout mélangé au complet. Marie de Magdala, c'est différent. Souvent, elle est confondue avec Marie-Madeleine. Il y a eu Madeleine qui était une prostituée. Il y a eu... c'est extrêmement différent. Puis quand on parle de Marie puis Marie-Madeleine dans l'histoire du Nazaréen, on parle d'un paquet de femmes. On les a extrêmement médiocrisées dans les évangiles. Il ne fallait pas en parler trop. Si le Nazaréen avait côtoyé plus qu'une femme ou deux, là, c'était tout un amancheux. Alors, on a limité les dégâts. Pas à cause des femmes, à cause des hommes. Hey, c'est des personnes bien, extrêmement différentes. Qui est le conscientiseur? Le conscientiseur, une grosse question. C'est vous. Mais c'est ça, c'est une grosse question, une grosse réponse. le conscientiseur, il n'y a pas de conscientiseur majeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage là, de stéréotypé, là, il n'y a pas d'intentionnalité de conscientisation. C'est une mécanique. Puis encore là, c'est des choses que j'explique beaucoup plus au niveau du séminaire parce que ça demande énormément de temps. Ça demande de l'information, surtout au niveau du temps qu'on est limité. Quand je dis l'humain est manipulé, ah, par qui? Par personne. Là, souvent, on ne comprend plus rien. Parce qu'encore une fois, on projette ce qui se passe dans la matière dans les autres mondes, dans les mondes parallèles, dans les mondes divins. On projette. Oui, mais il doit y avoir au moins un créateur. Qui l'a créé? Ah oui, mais il s'est créé tout seul. Pourquoi pas nous autres aussi? Ah, mais un instant, c'est pareil, là. Fait que, crée donc une pomme. Parfait. Je peux pas en créer une pomme. Ah, ça prouve que... Hey, le créateur, crée donc une pomme! Pas capable, lui, non plus. Ah, c'est parce qu'il veut pas. Ah, moi non plus, je veux pas créer de pomme. Ah, c'est parce que tu peux pas. Tu peux s'amuser longtemps. L'humain projette. Puis quand, tant que l'humain va projeter, il pourra pas s'expliquer ces choses-là. C'est pourquoi l'humain doit se désassocier, se dissocier de la mémoire, des traditions, de l'éducation. Pas parce que c'était mauvais, parce que c'est limité. On doit aller chercher d'autres choses. Combien de personnes à l'époque, au début du système informatique, ont eu peur des ordinateurs? Les guerres d'ordinateurs, ça va tout manipuler, ça va tout contrôler. Oui, non, non. Pout! C'est éteint. On en a besoin d'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on va lui refiler tout ce qu'on n'est pas supposé faire en tant qu'humain. Il va penser à notre place. Exact. Nous, on va dire quand c'est pas correct. On va le laisser travailler. C'est quoi la distance Terre-Soleil? On prend une règle pour une mesure? Voyons donc. Tu prends un faisceau laser, là, puis tu tires là-dessus. Ben non, tu calcules. Là. Tu sais, c'est facile. Les astronautes, ils ont mis des miroirs sur la Lune, puis là, on prend un faisceau laser, on tire sur la Lune, puis on tire dessus, puis ça nous revient. Donc, on a la distance au millième de pouce près. L'ordinateur calcule ça, pas nous autres. Le conscientiseur, il n'y en a pas comme on voudrait qu'il y en ait un. Il n'y en a pas. Puis, si je dis à l'humain, si vous êtes entre vos mains, ben, les égaux ont peur. Ben, la dernière... partie de l'histoire, lui, quelqu'un qui a voulu faire bouger les rats. Il y avait Hitler. On dirait qu'on... Il y a eu un personnage à ce moment-là. Oui, il y a des avatars. Ça, c'est autre chose. Hitler, lui, c'était pas un avatar. Lui, avatar, là, c'est un avatar. Le dernier avatar connu, c'est Zarathustra, ça. Odin. Odin était Odin. Odin. Ça, c'est dans les plus récents. Ouais. Ah oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui a eu tort. Mais là, dans cette époque-ci, il n'y aura pas un avatar. Il y a des avatars. Voilà. Puis c'est pas la même chose que le passé. Parce que la majorité des avatars n'ont rien à faire de la tradition. Ils la respectent, ils la comprennent, ils peuvent en parler. C'est utile pour comprendre les choses du passé. C'est totalement inutile pour comprendre les choses du futur. Il y a autant d'avatars que d'antennes supplémentaires? Présentement, oui. Il va y en avoir d'autres. La naissance d'une nouvelle race est issue d'où? C'est une longue histoire. Ça commence il y a 4,5 milliards d'années. Et puis à travers l'évolution de mécaniques extrêmement... harmonieux. C'est engendré des structures d'écologie où l'harmonie apparaît dans l'équilibre des forces. Un équilibre des forces est toujours un équilibre dans un temps de guerre. On est sur une planète en guerre. Une planète de plaire de prédateurs. Les virus, les maladies, l'air, la pollution, puis la nourriture, la nécessité, etc. Et à travers cela au complet, ben, il y a eu nécessairement des changements au niveau des races. La majorité des nouvelles races sont apparues uniquement en fonction du fait que les plus intelligents, il faut s'entendre par intelligents, les plus migrateurs, ont toujours su sacrer leur camp avant les grands cataclysmes. Or, nécessairement, ceux qui restaient vivants, avec des exceptions partout sur la planète, étaient nécessairement les plus solides. Et quand on parle de race, c'est simplement parce qu'il y a un changement radical à travers la conception, soit philosophique, soit militaire, soit technique, soit scientifique, soit théologique, Il y a une différence, il y a une nouveauté complète à travers les visions de l'humain. On parle de nouvelles races. Parce qu'évidemment, l'évolution, c'est toujours fait progresser. Comme le soleil qui se lève. À un moment donné, il est là, il est en plein centre, il est midi. C'est au zénith, c'est impeccable. Sauf qu'il n'est pas apparu là, il a monté lentement. Alors, quand on parle de nouvelles races, on va dire, tiens, il est 5 heures, tiens, il est 6 heures, tiens, il est 7 heures, tiens, il est 8 heures. Jusqu'à midi, par exemple. Bon, alors, on parle de nouvelles heures. Mais on peut placer l'heure n'importe où à travers. Là. On peut prendre le 24 heures et le virer aux minutes près, le virer tant qu'on veut. Quand on parle de nouvelles races, c'est un peu ça. Ce qui arrive présentement, simplement, c'est qu'à l'échelle du Québec et à l'échelle d'une partie de la planète, il y a une mutation complète au niveau de la conscience planétaire, comme ça s'est fait en 1900. Mais ce n'était pas une nouvelle race en 1900, parce que les nouvelles races, du point de vue de l'historicité humaine, on les évalue à partir d'un changement radical au niveau des conceptions des sociétés. Au niveau des conceptions des sociétés, ça veut dire au niveau des conceptions des théologies, des mécaniques scientifiques, les mécaniques de limitation, ce qu'on tolère, ce qu'on n'accepte pas et ce qu'on accepte. Quand toutes ces structures-là au complet changent, ben, là, on peut parler de nouvelles races, d'avènement d'une nouvelle race. Présentement, on va vers une nouvelle race. Elle va être surtout chapeautée par la conscience, par la conséquentialité humaine, l'écologie, sur toutes ses facettes. On en parle de l'écologie depuis longtemps, on parle de sociologie. On tue tout sauf l'homme. On parle d'écologie. On tue l'homme sauf tout. C'est parce qu'à un moment donné, on veut bâtir un barrage, les écologistes sont contre. L'humain qui crève. L'humain fait partie de l'écosystème des structures planétaires, puis la pollution humaine a toujours permis l'évolution des structures planétaires. Ça l'améliore. On n'a jamais détruit jusqu'à là. On a amélioré à peu près toutes les structures. On pollue. Le feu de forêt qu'il y a eu dernièrement, là. Et la faute, en fait, des feux de forêt. Pollue en maudit, ça. Bon, l'humain a de la conscience. L'humain ne nuit pas aux structures planétaires. L'humain pense qu'il nuit. Pourquoi? Parce que l'humain est dans un carcan philosophique au niveau, par exemple, des concepts. L'écologiste est contre l'humain, le sociologue est pour l'humain. Bon, à un moment donné, on va arriver à une structure d'écologie où on ne parlera plus de psychologie, de l'écologie psychologique. De l'écologie dans mes relations internes, de l'écologie familiale, de l'écologie, la compréhension des conséquences, c'est simple. Alors, ce qui fait que j'éteins mes lumières. Toi, tu penses que ça va sauver ça, l'électricité, Hydro-Québec, et ils nous volent, puis... Il n'y a rien à foutre, j'économise de l'énergie, c'est intelligent, c'est comme ça. Et là, on parle de nouvelle race, parce qu'on n'a pas besoin de l'éduquer ou de l'instruire de cette mécanique-là, c'est évident. Là, c'est une nouvelle race. La conscience est différente. Tu prends un personnage comme ça et tu le ramènes dans le passé, il va souffrir. Il n'est pas adaptable rétroactivement. Quel autre plan que le plan politique sera le plan supramental, le plan d'intentionnalité, puis tout. C'est possible. Ah, évidemment, on pourrait fractionner en milliards de dates chacun des plans. Juste le plan d'intelligence, du jour. La bouddhique, c'est l'intelligence supramentale, c'est l'intelligence instantanée, l'intelligence active. Ça ne dépend pas des mémoires de l'humain. Ça lui permet de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Le plan bouddhique, c'est relié ésotériquement à Bouddha, mais Bouddha n'a jamais atteint le plan bouddhique. C'est le plan de l'amour, c'est le plan de l'amour instantané, donc de l'amour actif. Un amour qui ne dépend pas de mémoire. Ah ben, effectivement, je l'aime, parce que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Ah ben, ça fait 15 ans que je la connais. Ça, c'est de l'amour mémoriel. Ce qui fait qu'on va être, avec cet amour-là, il faut qu'on apprenne à aimer les individus, on apprend à les détester. L'amour instantané, c'est totalement différent. C'est un amour qui est gratuit, c'est un amour qui est actif, ça n'a rien à voir. Et quand on parle d'amour, c'est pas une question d'aimer émotivement. L'amour, c'est un sentiment, c'est pas une émotion. Va-t-il y avoir une fusion ou une domination? Il va y avoir une fusion entre ce que vous êtes et ce que vous êtes. Il va y avoir une fusion entre votre intelligence et les mécaniques matérielles pour l'exprimer. Pour un paquet de raisons qui sont trop longues à élaborer ce soir. Mais il va y avoir une fusion. Dans l'étape de transition, disons que 80... On va être, disons, positif, mais... un peu hypocrite et menteur, un diplomate, c'est régime diplomate. On va dire 80% de la population vont être dominés par ce qui, dans leur structure psychologique, va tendre à descendre chez eux et à les ramasser. Il y a les religions, il y a les sectes, il y a les guerres saintes, parce que c'est des guerres saintes toujours qui sont des grandes guerres. Il y en a une, évidemment, qui probablement va venir. Les historiens ne s'entendent pas encore là-dessus. Et puis, l'humain, donc la majorité vont se faire dominer, alors que celui qui est suffisamment conscient, évidemment, il va y avoir une petite guerre chez lui entre « je fais-tu bien, je fais-tu pas bien, je devrais-tu suivre, je devrais-tu passer, je devrais-tu... » Puis finalement, c'est eux qui vont être les dominateurs, en réalité, qui vont devenir leur seul maître. Ils vont se fusionner avec leur intelligence. S'il y a fusion, aurons-nous besoin du corps humain? Oui. Pour la fusion, il faut un corps physique. Certaines exceptions peuvent emporter leur corps à leur mort, mais la majorité des fusions vont se faire dans le plan physique. Et c'est évident qu'après un petit laps de temps de quelques centaines de milliers d'années, l'humain va finir par ne plus avoir besoin du corps physique. Prendront-ils ceux qui sont le plus conscientisés? C'est évident que c'est les corps physiques les plus aptes à la conscientisation. C'est évident. Ce que je viens de dire là est évident, mais ce qui est là, c'est pas vrai. La parole, oui, ça donne, l'ajusteur de pensée nous corrige. C'est ceux qui sont les plus conscientisables qui font partie de ce que spirituellement on pourrait appeler les élus, là. 144 853, mais c'est pas les plus conscientisés, c'est les plus conscientisables. Je sais pas si vous comprenez la différence, mais elle est extrêmement importante. Alors, c'est pas ce que vous avez déjà comme vécu, c'est la vitesse avec laquelle vous vous déplacez qui va déterminer la chose. On a un groupe des chefs, par exemple. Un des critères de sélection du groupe des chefs, c'est que l'individu, pour en faire partie, doit être capable de comprendre, d'apprendre rapidement. C'est juste ça. Il doit être parlable, de comprendre vite. C'est bien simple. Il y a un gros égo, pas de problème. Il est parlable, il comprend vite, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On peut tout faire. Il peut tout faire. Tout est correct. Il n'y a aucun problème. Sauf que la personne, elle comprend lentement, puis elle n'est pas parlable. Ben là, c'est compliqué. Quelle est la différence entre se défendre avec pouvoir et avec puissance? Se défendre avec pouvoir, on va habituellement toujours se défendre en agresseur. Se défendre avec puissance, on ne se défend jamais en agressant. Alors, je vais, par exemple, on a un personnage qui a fait des arts martiaux, puis quelqu'un l'attaque sur la rue, il se défend. Alors, s'il se défend à la Bruce Lee, par exemple, il se défend avec pouvoir. S'il se défend à la Kwai Chang Kane, ceux qui ont écouté les émissions Kung Fu, en brun et blanc, lui, il se défend avec puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui aura des grandes simagrées, si on prend encore l'exemple des arts martiaux. Ça va être avec des gros cris, bang, puis bon, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à faire, là. Que quand tu continues à taper, tu tapes sur le ciment, tu es vraiment aplati. Tandis que si tu te défends avec puissance, c'est un peu comme l'aïkido bien fait ou le judo bien fait. La personne, elle t'attaque, tu bloques. Tu n'as pas besoin d'avoir un paquet de grimaces ou de crier, etc. Tu peux faire un kiai qui est intéressant. Puis tu te débarrasses de l'individu en essayant de lui faire le moins mal possible. Comme le maître de Karate Kid, le bonhomme. Bon, ben exactement, il se défend avec puissance. C'est ça qui est puissant. Il se défend avec puissance, tandis que l'autre, il se défend avec pouvoir. Le bonhomme, qui a perdu contre la puissance. Si je m'exprime sans penser, tout en me désintéressant de la réponse, pour avoir une information juste, aurais-je besoin d'une mécanique d'ajustement? Si oui, laquelle? Ça va se faire tout seul, l'ajustement, mais ce que vous allez devoir vous habituer lentement, c'est que très souvent, les réponses que vous allez donner vont finir par être géniales, parce qu'au début, évidemment, c'est de l'eau froide qui va sortir, l'eau chaude va finir par arriver. Les réponses vont finir par être intéressantes, sauf que vous n'aurez pas suffisamment de mémoire pour vous en rappeler. Et ça va frustrer l'ego. C'est l'énergie que vous avez besoin, pas de la réponse. Si vous êtes heureux et vous êtes heureuse, qu'est-ce que vous avez à faire de tout ce qui est dit? Mais souvent, on a besoin de tout ce qui est dit pour parvenir à être heureux, être heureuse. Mais une fois qu'on l'est, on l'est. On n'a plus besoin de retenir. La vie de l'homme, de la femme, de l'enfant, c'est une mécanique qui doit être instantanée. Puis l'instantanéité n'est pas encore intégrée chez l'humain parce que l'humain est trop bâti de mémoire. Il passe son temps à faire référence à son passé. Il n'a pas encore la certitude de l'instantanéité. Oui, mais si je ne me rappelle pas, comment je vais faire pour savoir où je reste? Tu ne sauras pas où tu restes, mais tu vas aller directement où tu restes. Je reviens encore avec le chameau dans le désert qui a soif, qui se met à marcher, qui se met à creuser et qui boit. Et quand un homme a soif dans le désert, ben il se met à niaiser et il meurt. Mais pourquoi plus ça? Puis qu'est-ce qu'il me dit que? Comment il dort? Il a trop de mémoire. Il ne connaît pas la place. Là, le chameau non plus. Mais le chameau, il ne sait pas qu'il ne connaît pas. L'homme, il sait qu'il ne connaît pas. La conscientisation de la mentalisation a-t-elle suffi à elle seule suffit-elle à passer au supramental? Non, il faut appliquer les choses, mais de toute façon, c'est une personne qui conscientise la mentalisation, puis la mentalisation, c'est un processus qui est sine qua non, qui est essentiel pour parvenir à la conscience supramentale, mais c'est un des processus les plus dangereux. Il n'y a qu'un esprit là-dedans. La mentalisation, c'est l'intellectualisme poussé par de l'ego à un summum. Quand on est mentalisateur, on a toujours raison. Et le pire, c'est vrai qu'on a raison, mais il nous manque des informations. Les informations, le mentalisateur, il a toujours raison en fonction des informations du passé. Mais il ne peut pas aller chercher des informations neuves. Donc, il aura toujours raison, mais finalement, il a toujours tort. Alors, la mentalisation, ça suffit. C'est évident que l'humain qui parvient à conscientiser le phénomène de mentalisation, la conscientisation est supramentale. Il faut que l'humain ait accès à de l'information neuve instantanément pour se conscientiser. Moi, je dis quelque chose, puis subitement, vous dites « Ah, ça a de l'allure ». C'est par vous-même que vous savez que ça a de l'allure. C'est instantané. Vous écoutez un film, puis subitement, vous apprenez quelque chose de génial dans le film. N'importe quoi, tout au long de votre vie. Ça, c'est de l'instantanéité. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que je retienne ça, faut que je retienne ça. Il ne fait jamais confiance à la mécanique instantanée qui vient. Il veut toujours la mémoriser, parce qu'il comme s'il ne l'avait pas. Parce que l'humain est une créature du temps. Pour l'instant, l'humain est une créature de mémoire. Mais vous avez énormément accès à l'intelligence supramentale, vous savoir instantané, vous l'avez expérimenté sans arrêt. Mais on s'accroche pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on doit éliminer le doute. Le doute, on l'a dans l'ego, dans la mémoire, parce que la mémoire, elle fait faux bond, la mémoire, elle manque, elle colorée, on a des affaires qu'on ne sait pas. Puis le doute, on finit par l'expandre à tout ce qu'on croit être ce que nous sommes. Donc, on l'expand même au contact supramental, parce qu'on doute. Si je place l'ego dans un état de paralysation, pour qu'elle ne me nuise pas dans un cheminement, est-ce que je nourris l'ego? Vous nourrissez vos égos seulement si vous êtes fier de ce que vous faites, ou si vous êtes déçu de ce que vous faites. Je sais qu'il y a une phase de négolisation similaire à celle du Christ, et que c'est risqué même que je peux y rester. Je sais que l'intelligence ne me laissera pas tomber, mais en ce moment, ça frappe fort, astralement. Mieux me négoïser de quelle façon? Je sais que je suis en danger, type d'attaquer, accident de taux, violent, attaque spirituelle, attaque de violence, attaque de déparlage, etc. Depuis novembre 90. Oui, la personne, ce qu'elle doit faire présentement, c'est qu'elle doit apprendre à relaxer. C'est pas niaiseux, c'est extrêmement important. Quand un humain est continuellement agressé, c'est parce que l'humain lui-même, c'est un baromètre. Il doit apprendre à relaxer, il doit arrêter. Il va peut-être arriver deux ou trois petits accidents de tour, des petits cossins comme ça, puis lui, il arrête. Après, il faut qu'il débarque, il faut qu'il s'en fasse. Il faut qu'il sorte de cette philosophie qu'il a ici. Il y a un futur possible dans lequel il s'est enclenché qu'il doit simplement abandonner. Ça va prendre un petit bout de temps. C'est un peu long à répondre comme ça là, mais la personne doit apprendre à relaxer. Ça va continuer à taper. Puis à un moment donné, on ne peut rien taper. Semaine prochaine, 26 juillet, pas de conférence. Pas le titre, là. Il n'y a pas de conférence. Reprise le 2 août. De où le titre sera « La puissance de la volonté créatrice ». On va conserver les questions, vu qu'il y en a plusieurs, on va s'arranger pour répondre à ces questions-là au début de la prochaine conférence. Merci. En attendant, j'ai passé des bonnes vacances. Et, ah non, c'est pas ça, c'est passé des bonnes vacances. Bonne soirée.